France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Marc Floriot, bonsoir. Ma vie, de Golda Meir, était parue chez Robert Laffont à Paris en 1975. Elle accepta 2 ans plus tard de réitérer l'exercice d'une autobiographie orale avec France Culture. « Être juif, affirme-t-elle, c'est avoir une foi absolue en sa religion, en sa patrie, en sa nation, et, quelles que soient les difficultés, croire que, d'une façon ou d'une autre, nous en verrons la fin. » Venue d'au-delà du Caucase, Golda Meir a donc repris le fil d'une croyance dont la première marque date de 1200 avant Jésus-Christ, gravée sur la stèle de Merenta, Israël, ou celui qui lutte avec Dieu. Aujourd'hui, l'Allemagne voyage en 1967, puis la guerre du Yom Kippour, octobre 1973, deux moments clés évoqués la première fois les 20 et 21 décembre 1977. Dans la série Les grands contemporains, Patrice Galbeau propose Entretien avec Golda Meir. In all these countries, we have very many good, true friends, people. Avec Eliaou Ben Elissar, Mandera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kadar, professeur Yeshayahu Leibovitch, Haru Levavi, Daniel Mayer, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour, avec Denise Jans. In all these countries, we have very many good, true friends, people. I understand that in France, the people, most of them are pro-Israel. Partout, nous avons des amis sincères. En France, je sais que la plupart des gens nous comprennent. Hier, Madame Golda Meir, je vous avais demandé d'évoquer pour nous vos voyages. Vous nous avez parlé de l'Afrique, de l'Italie, de votre rencontre historique avec le pape, mais Il y a eu un autre voyage en 1967 qui vous a été extrêmement pénible, celui-là, votre premier voyage en Allemagne. Si je vous demande d'en parler aujourd'hui, ce que vous n'aimez pas faire, je le sais, c'est parce qu'il est important, je crois, de connaître par vous quels sont les sentiments ambigus parfois que peuvent éprouver les Juifs d'une certaine génération envers les Allemands. After what happened during the Second World War, for very many of us, the idea of going into Germany is a very emotional experience. Après tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la seule idée d'aller en Allemagne, enfin pour la plupart d'entre nous, est extrêmement pénible. And that was the first time I went to Germany. Et moi, j'y allais pour la première fois. It's not surprising. I don't think any Jew. Well, now it's different. So many years after the war, and all the governments that have been in West Germany are certainly not pro-Nazi governments and have tried to do what they can. But for any Jew to go into Germany for the first time is a great emotional experience. And it was for me too. Maintenant, évidemment, c'est différent. Les années ont passé, les gouvernements successifs en Allemagne de l'Ouest n'ont certes pas été pro-nazis, ils ont fait de leur mieux. Mais tout de même, pour un juif, aller en Allemagne pour la première fois, c'est un choc émotif difficilement supportable. Ça l'a été pour moi. It's a very, very complicated experience. We know it is wrong to say that all Germans were Nazis. Vous savez, c'est extrêmement compliqué. Nous savons bien que tous les Allemands n'étaient pas nazis. I have very, very close friends among the German people, and I know they were themselves were in the camps. J'ai de grands amis en Allemagne et je sais bien qu'eux aussi ont été internés dans des camps. They were labor, they were socialists, they fought against the Nazis, they were in the camps. I know that, as I said, people that took over Western Germany after the war certainly were not Nazis. Ils sont socialistes, ils se sont battus contre le régime nazi, je sais tout cela. Et que ceux qui ont pris en charge l'Allemagne de l'Ouest après la guerre n'étaient pas des nazis. Willy Brandt is not a Nazi. He went to Norway and fought against the Germans and many others. Willy Brandt n'est pas un nazi, loin de là. Il les a même combattus. Et il n'est pas le seul. And the young people certainly are not to blame. Some of them now, to my horror, are hailing Hitler and burning Jews, only paper, not real Jews. So it's a very complicated thing. Les jeunes ne sont évidemment pas responsables de ce qui s'est passé avant eux. Mais j'ai pourtant appris, et avec quelle horreur, que certains font le salut hitlérien et brûlent des juifs en effigie. Mais ça prouve combien tout ça est complexe. Naturally, a Jew that meets a German who doesn't know, of let's say the age of 50, 60, the first question, maybe he doesn't ask, but the first question in his mind was, where were you during the Second World War? What did you do during the Second World War? Et que la première pensée qui vient à l'esprit d'un juif rencontrant un Allemand de 50 ou 60 ans est qu'a-t-il fait pendant la Deuxième Guerre mondiale? Où était-il? So it's not a simple ordinary relationship as you have with the French, with the Americans, with the Dutch, with Norwegians. There is that. And I think the German friends themselves realize it. Cela fausse nos relations avec les Allemands. Elles ne peuvent pas être aussi simples et naturelles qu'avec des Français ou des Américains, enfin, ou des Norvégiens. Et nos amis allemands s'en rendent parfaitement compte. I remember once a very sad experience. I was visiting one of the Central American countries. J'ai eu une expérience extrêmement pénible quand j'étais ministre des Affaires étrangères lors d'une visite officielle en Amérique centrale. As foreign minister, and the foreign minister of that country gave a big reception, and of course the diplomatic corps was there, and I was standing with him in the receiving line. He was introducing all the ambassadors, and he says that this is the ambassador of the German Federal Republic. Il y a eu une très grande réception à cette occasion. Tout le corps diplomatique était présent. On m'a présenté tous les ambassadeurs. Un homme s'est courtoisement incliné devant moi et on m'a dit, c'est monsieur Untel, ambassadeur de la République fédérale allemande. Well, I shook hands with him, of course, but evidently he read something in my face. Afterwards, he came up to me and said, I understand. I only wanted you to know. I was in a concentration camp. My brother was killed in a concentration camp. My father committed suicide when my brother was killed. I just want you to know that not all Germans. Je lui ai serré la main et il a vu que je changeais de visage. Alors un peu plus tard, il est venu près de moi et il m'a dit, je vous comprends parfaitement, mais je voudrais que vous sachiez ceci. J'ai été interné dans un camp de concentration. Mon frère a été tué dans le même camp. Et mon père s'est suicidé quand il l'a appris. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les Allemands n'étaient pas des nazis. I mean, I was very sorry that I had some expression on my face that hurt him, but he understood it. J'étais consterné en pensant que cet homme avait pu lire sur mon visage ce que j'avais ressenti. Mais il l'avait compris. So, I hope that the responsible German government and generally Germans who are in public life and educators and teachers will not take it for granted that it can't happen. I mean, it can't happen. The same thing, probably, no. Ce que j'espère, enfin, du fond de mon âme, c'est que ceux qui gouvernent l'Allemagne et tous ceux qui participent à la vie publique, les éducateurs, les professeurs allemands, ne s'imaginent pas que de telles horreurs ne peuvent se reproduire. Peut-être pas sous la même forme, mais tout peut encore arriver. But the fact that there are young Germans who weren't in the Second World War, young officers who were born after the war, that they go back to that, and that there is a neo-Nazi party in Germany, I'm sure that they are conscious of it and anxious about it. I know that it was for several years where the German children were not taught and told what happened. In the last years, they do. But they have a problem. They have a problem to overcome. Ces jeunes Allemands, qui n'ont même pas connu la Deuxième Guerre mondiale, et qui font la partie néo-nazie, alors que dans les écoles, il est interdit d'apprendre aux enfants allemands quoi que ce soit sur cette horrible époque. Interdit de leur en parler. It was a terrible shock, these young officers. Then they went to Austria and did the same thing there, practically. Alors, I don't say that everywhere else in the world, everybody loves Jews. Nonsense. There's anti-Semitism everywhere. Everywhere. Not in governments, but among people, sure. But still, there's something specific about what happened in Germany. Alors quel choc affreux quand on apprend ce qu'on fait de jeunes officiers en Autriche. La même chose. Je ne vous dis pas que partout ailleurs dans le monde, on adore les Juifs, ce serait stupide. L'antisémitisme existe partout, partout. Oh, pas au niveau des gouvernements, mais à celui des peuples, c'est certain. Mais il est indéniable qu'en Allemagne, c'est autre chose. C'est spécifique. Eliaou Ben Elissar est actuellement le représentant de M. Begin à la conférence du Caire. Je voudrais vous demander, M. Ben Elissar, à vous qui appartenez à la jeune génération de la politique israélienne, ce que représente, à vos yeux, Mme Golda Meir. Comment pouvez-vous la définir, en quelques mots? Mme Meir, je l'aurais définie comme un fier représentant du peuple juif. Elle n'a jamais courbé l'échine. Et c'est une chose extrêmement importante, car certains peuples, peut-être justement dans la chrétienté ou le monde occidental, ne nous accordent pas encore, peut-être inconsciemment, mais enfin, c'est ça la réalité, un statut égal aux autres nations. Et je crois que c'est grâce à cela que sa place est assurée dans l'histoire de notre peuple. Personnellement, elle donne évidemment un exemple parfait de toutes ces expériences pénibles que les Juifs ont eu à éprouver pendant le XXe siècle. Nés en Russie, amenés comme gosses aux États-Unis, venus en Palestine très très tôt, comme jeune fille sioniste et socialiste, à travailler ici dans les kibbutz, à construire des routes, pas facile. Elle est le symbole même de la réalisation, si vous voulez, de cette expérience sioniste qui commence très loin, et qui aboutit jusqu'à ces jours où vous voyez quand même un État d'Israël établi, prospère et avec un si grand avenir comme je l'espère. Quels sont les vrais amis d'Israël? Look, in all these countries, we have very many good, true friends, people. I understand that in France, the people, most of them are pro-Israel. I received letters after my book was translated into French. Hundreds of letters from ordinary French people from all parts of France. I'm telling you, letters that are very, very touching. Some of them, for the first time, know something about Israel and the Jewish people. Partout, nous avons des amis sincères. En France, je sais que la plupart des gens nous comprennent. J'ai reçu des centaines de lettres après la parution de mes mémoires. Des lettres de simples Français de tous les coins de France. Des gens qui ne savaient pas ce qu'était Israël et qui l'ont découvert. They're not enemies of Israel. They don't know that oil is more important than blood. But members in government have learned the secret that oil is the first thing that's of importance. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils ne savent pas que le pétrole est plus important que le sang. Les gouvernements, eux, ont appris que le pétrole est plus important. C'est une allusion au gouvernement français ? Lou Kadar, je disais hier à Madame Golda Meir que vous m'aviez raconté qu'il lui arrivait de travailler 20 heures par jour. Elle m'a répondu qu'il lui était arrivé aussi de travailler 24 heures par jour quand il le fallait. Elle a des facilités physiques que je n'ai pas. Elle peut aller se coucher à 2 heures du matin ou à 4 heures du matin. Lorsqu'elle est très occupée dans la journée, que, par exemple pour se délassée, alors le soir, c'est-à-dire à 2h ou à 3h du matin, alors elle se lave la tête. Alors c'est une façon de se délasser. Elle va se coucher à 5h, alors ses cheveux, ses longs cheveux étant bien secs, et elle se lève à 6h15, fraîche comme une rose de 50 ans ou de 60 ans. Elle est rafraîchie après une heure de sommeil. Et c'était pas mon cas. Moi, je refusais de... Enfin, j'ai refusé, un peu tard, de mener la même vie qu'elle. Elle est capable de ne pas dormir pendant 3 jours. Elle était capable, en tout cas, de ne pas dormir pendant 3 jours et 3 nuits. Et ensuite de dormir pendant 24 heures, quand elle avait le temps. Et d'être tout à fait fraîche et dispose. Elle a une constitution tout à fait anormale, si vous me demandez, extraordinaire. Pendant des périodes d'élection, lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères, par exemple, et il fallait lui donner 2 chauffeurs parce que lui, eux, ne tenaient pas le coup. Il fallait les remplacer. Elle travaillait certainement 20 heures par jour. Alors, avec des voyages et tout, dans de mauvaises conditions, elle n'avait jamais de air conditioning dans sa voiture. Elle trouvait que c'était du luxe qui était tout à fait inutile. Et par des chaleurs terribles, elle descendait dans le Negev, au désert, et par le froid, par tous les temps. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Eliaou Ben Elissa, Lou Kadar, avec Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. There's anti-Semitism everywhere. Everywhere. Not in governments, but among people, sure. L'antisémitisme existe partout, partout. Pas au niveau des gouvernements, mais à celui des peuples, c'est certain. Dans la série Les grands contemporains, Patrice Galbeau propose Entretien avec Golda Meir. To mobilize an army in Israel is a great thing. Avec Eliaou Ben Elissar, Mondera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kadar, professeur Yeshayahu Lebovitch, Haru Levavi, Daniel Mayer, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. Oui. An army in Israel is a great thing. It means not only bringing people to the camps, it hurts industry, it hurts agriculture, it disturbs the entire life of the country. Vous savez, la mobilisation en Israël, c'est un événement terrible. Ça ne signifie pas seulement qu'il faille rassembler les hommes dans les casernes. Ça brise la vie économique, industrielle, l'agriculture. L'existence même du pays est perturbée. Il y a, Golda Meir, un événement tragique dont vous ne souhaitez pas parler car il est un terrible souvenir pour vous et pour tous les Israéliens. C'est la guerre d'octobre 1973, dite guerre du Yom Kippour. C'est un cauchemar que vous avez vécu, qui ne vous quitte guère, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous vous êtes trouvé à un poste de responsabilité suprême à un moment où Israël a dû affronter la plus grande des menaces qu'il ait jamais connue. Une grande part de secret doit être encore observée, mais je voudrais vous demander, exceptionnellement, et malgré la tristesse que cela peut vous causer, d'évoquer cette période. Well, the tragedy of the Yom Kippur War was that our military intelligence did not evaluate the information that they had in the right way. Cette tragédie a une cause, une seule. Nos services secrets et nos états-majors ont mal interprété les renseignements qu'ils avaient en leur possession. And when for a few days before the war, everybody, Minister of Defense and the Chief of Staff and the Head of Intelligence and other generals all said that they don't think this means war. Quelques jours avant la guerre, tout le monde, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le directeur des services secrets, tous ont crié bien haut qu'il n'y avait aucune menace. I was never a general, but I had a feeling that I couldn't prove to them, I couldn't argue with them. They had the information. And they knew better than I did. But I had a feeling I'm not so sure as they are. Je n'ai jamais été général, mais j'avais un pressentiment que je ne pouvais m'expliquer. Seul contre tous. Ils avaient leur information et ils savaient tout mieux que moi. Rien n'allait se passer. Ils en étaient certains, mais moi j'avais ce pressentiment. And what I blame myself for is that I should have said, look, okay, you don't think there'll be war, but let's mobilize the army anyhow. Je me répétais, j'en suis moins certaine que. Et jamais je ne me pardonnerai de ne pas leur avoir dit. D'accord, mais écoutez-moi, vous êtes persuadé qu'il n'y aura pas de guerre. Moi, si. Alors décrétez la mobilisation générale. There was one good reason why not. This was beginning of October. In May, before that, we also had information that there may be war. We did mobilize. There was no war. Now, to mobilize an army in Israel is a great thing. Mais ils avaient un argument massu. Cela se passait au début d'octobre. Or, 6 mois auparavant, en mai, nos services secrets nous avaient fait croire à la guerre. Nous avions mobilisé et il n'y a pas eu de guerre. Vous savez, la mobilisation en Israël, c'est un événement terrible. It means not only bringing people to the camps. It hurts industry, it hurts agriculture, it disturbs the entire life of the country. Ça ne signifie pas seulement qu'il faille rassembler les hommes dans les casernes. Ça brise la vie économique, industrielle, l'agriculture. L'existence même du pays est perturbée. So we did that in May, and nothing happened. So there was a reason to think, well, maybe again it's the same thing. En mai, nous avions mobilisé et rien ne s'était passé. On pouvait avoir toutes les raisons de croire qu'il en serait de même cette fois-ci. But I, without any, of course, military experience, had a feeling that maybe we should do it again. And I didn't suggest it. Mais moi, qui n'ai pas l'ombre d'une expérience militaire, je persistais à penser qu'il fallait mobiliser. Mais je n'ai rien dit. And the thing that has been worrying me all the time, why didn't I say, maybe they would have laughed, maybe they would have said it's foolish, but why didn't I say it? Et c'est ce qui me tourmentera toute ma vie. Ils auraient probablement ri. Tu es complètement folle, Golda. Mais pourquoi me suis-je tue? I did say at one of these talks that we had with the military, look, it reminds me of 67. En réalité, j'ai tout de même dit quelque chose, une petite phrase, lors d'une réunion avec les généraux. J'ai dit, tout ceci ressemble beaucoup à 1967. What happened in 67? 67, there were quite a few days when military intelligence said in the Sinai, the arms that Nasser is bringing in is in a defensive arrangement. But maybe he's afraid that we will attack him, but that sounded foolish. And then they said, well, now it's changing to an offensive arrangement. En 1967, vous vous en souvenez peut-être, Nasser a concentré des forces dans le Sinaï. Nos chefs militaires ont décrété que c'était par crainte d'une attaque de notre part. Un armement défensif, autrement dit. Mais quelques jours plus tard, ils ont changé d'avis. L'armement défensif était devenu offensif. It reminds me a little bit of 67. Anyhow, this is, of course, my friends, some of them generals, and some of them who were chiefs of staff, say to me, now you're talking foolishness. You sit among generals, they all say the same thing. You, a civilian, should take another decision or make other suggestions. Donc, ce fameux vendredi du Kippour, j'ai dit à l'état-major, tout ceci ressemble beaucoup à 1967. Les chefs militaires, qui étaient d'ailleurs mes amis, m'ont mis à ma place. Tu dis n'importe quoi, nous sommes des militaires. Nous sommes tous du même avis. Et toi, une civile, tu veux nous imposer ton point de vue. Logically, they are right, of course. But this thing lives with me all the time. Logiquement, ils avaient raison. Mais jamais je ne me pardonnerai d'avoir capitulé devant eux. C'est un remords qui me poursuit sans cesse. Nous venons de l'entendre, Golda Meir sait ce qu'elle aurait dû faire, décréter la mobilisation générale, malgré l'avis de son état-major. Mais alors, Lou Kadar, si elle avait décrété la mobilisation générale, que serait-il arrivé ? Si elle avait fait la mobilisation générale, même le samedi matin de Kippour, la situation aurait été tout à fait différente. Notre armée, comme vous le savez, est surtout composée de réservistes. Mobilisation générale, c'est-à-dire on les fait tous venir, ils sont tous là, prêts à être envoyés sur les frontières. Mais lorsque ce n'est pas en mobilisation générale, alors c'est beaucoup, beaucoup moins de soldats. Et naturellement, ils sont en plus grand danger. Mais elle n'a pas pu résister à l'avis de tous ceux qui étaient autour d'elle, des ministres qui avaient été généraux et les membres du haut commandement, qui étaient tous d'avis qu'une mobilisation partielle était tout à fait suffisante. Daniel Mayer, vous êtes un ami personnel de Madame Golda Meir. Je sais combien vous l'aimez, combien vous l'admirez. Aussi, c'est à vous que je voudrais demander ce qui, dans l'action politique de Golda Meir, a pu vous paraître critiquable. Si vous vous placez sur le plan humain, je crois qu'il n'y a guère de choses à lui reprocher. À moins qu'on lui reproche fidélité, optimisme, volonté de construire, qu'on voit là-dedans des manies ou du sectarisme. Mais ça dépend le point de vue que l'on a. Il y a, de par le monde, un certain nombre d'hommes, où il y avait un certain nombre d'hommes qui avaient des qualités de même type et qui ont été considérés comme des défauts. Du vivant de Léon Blum, la haine déferlait sur lui de la part de ses adversaires. Et ça a fait place au respect ensuite. Ça n'est pas lui qui avait changé, c'est les événements qui avaient dessillé les yeux de ses adversaires ou les avaient contraints au silence. Il peut en être de même pour tous les grands contemporains, pour reprendre le titre de cette émission. On peut, alors, si ça n'est pas sur le plan humain, envisager une critique sur le plan politique. On peut dire, par exemple, que Golda Meir a eu, lorsqu'elle était à la tête du gouvernement d'Israël, une politique un peu statique, et que ceux qui étaient avant ou ceux qui étaient après ont eu, au contraire, une politique plus mouvante. Mais alors, si l'on dit cela, il faut faire attention de ne pas commettre une injustice, en ce sens que on peut se poser la question, est-ce qu'au moment où elle y était, la politique qu'elle menait n'était-elle pas en quelque sorte imposée ? Est-ce que ça n'était pas la loi qui était le seul moyen de conserver l'État d'Israël ? Et quand on dit conserver un État, ça veut dire conserver l'existence de l'État d'Israël. Et vous savez que lorsqu'il s'agit de l'existence de l'État d'Israël, ça ne veut pas dire l'existence théorique d'un État, mais ça veut dire l'existence physique de chacun des habitants composant cet État. Et est-ce qu'à un autre moment, elle n'aurait pas montré d'autres qualités et qu'on lui aurait peut-être reproché alors trop de mobilité, trop de mouvance ? En réalité, l'action d'un homme qui entre dans l'histoire, et Golda Meir est de ceux qui, de son vivant, y sont déjà entrés, ne dépend pas tellement de ses qualités, ne dépend pas tellement de l'événement, mais dépend du carrefour entre l'homme et l'événement. Imaginons De Gaulle ailleurs qu'à Londres et ailleurs qu'en face d'un micro en juin 1940, et ce n'était pas De Gaulle. Imaginons Napoléon avec 20 ans de plus ou 20 ans de moins, et personne n'en aurait peut-être parlé. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Alors, les critiques que l'on peut apporter à tel ou tel aspect de la politique de Golda Meir, est-ce qu'elle ne s'adresse pas à ce carrefour différent d'un autre carrefour où elle aurait eu d'autres qualités. Je me réfère encore un instant à Léon Blum. On lui a reproché comme une faiblesse, alors que Jean Lacouture, dans son dernier livre, montre au contraire que c'était beaucoup de grandeur et beaucoup de qualité. Après le résultat des élections de 1936, lorsqu'il s'est avéré qu'il allait former le gouvernement et qu'il le revendiquait pour le Parti socialiste, il s'est interrogé publiquement devant le Conseil national du parti, je m'en souviens, j'y étais, disant « Peut-être qu'un autre homme surgira en moi, serais-je alors à la hauteur de ma tâche ? » Est-ce qu'une autre femme aurait surgi en Golda en face d'autres événements ? Est-ce qu'au contraire, c'est une autre femme qui effectivement a surgi différente de celle qu'elle était peut-être profondément ? Nous ne le savons pas, nous ne le saurons jamais. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en face de situations déterminées, elle a, au paroxysme, utilisé le maximum des merveilleuses qualités qui sont en elle. Charmel Cheikh est à l'ordre du jour puisque c'est un des points essentiels dont discute en ce moment même M. Begin et le président Sadat. M. Dayan a dit, il y a peu de temps, pas de paix sans Charmel Cheikh et pas de Charmel Cheikh sans la paix. Vous partagez ce point de vue, Mme Meir? It's important only for Israel. Charmel Cheikh n'a d'importance que pour Israël. It has no importance whatsoever for Egypt. Or for anybody else. Il ne présente aucun intérêt pour l'Égypte, ni pour qui que ce soit. The only importance that Sharm el-Sheikh had was since it's a very, at that point, it's a very narrow strip of water. There's a hill in the water, and Sharm el-Sheikh. The only importance of it is to keep Israeli shipping from taking place there. Not to allow Israel boats coming or going, or goods brought to Israel. That's all. What importance is Sharm el-Sheikh for Egypt? Nothing. Absolutely nothing. To us it's important whether there is a lot or not a lot, whether we can have whether our connections with African countries and Asian countries, we have to travel all around the world. Or have we this, and these are international waterways. Pour Israël, c'est un port d'une importance vitale, d'où nos bateaux peuvent aller en Afrique et en Asie. Pourquoi serions-nous obligés de faire le tour du monde alors que cette voie rapide existe? Ce sont des eaux internationales. So, what do you mean, peace without Sharm el-Sheikh? That means there's no peace. Because the very idea of Egyptians being in Sharm el-Sheikh is an act of war, because that's all they do is to keep us from living in peace. Cette phrase de Dayan, pas de paix sans Sharm el-Sheikh, signifie que la présence de l'Égypte à Sharm el-Sheikh nous empêche de vivre en paix. After the Sinai campaign, after the United Nations for 4 months said we should leave, we should leave, we should leave, all right, we left, and they promised us in Sharm el-Sheikh there will be UN forces. And there were. Et puis après la campagne du Sinaï, après la résolution des Nations Unies qui nous enjoignait de quitter Sharm el-Sheikh, nous sommes partis. D'accord. Et on nous a promis que Sharm el-Sheikh serait sous le contrôle des forces des Nations Unies. Nasser said to the man who was then Secretary General of the United Nations, Utant, take away your observers. So he took them away. And the Egyptians came in again, into the Sinai, into Sharm el-Sheikh. Nasser a dit à Hutan, le secrétaire des Nations Unies, « Enlevez vos observateurs ». Et Hutan a obéi, les observateurs sont partis. Et les Égyptiens sont revenus dans le Sinaï et à Sharm el-Sheikh. So after all this experience, governments until now have always said there must be Israeli presence, not UN presence, Israeli presence in Sharm el-Sheikh. So if we are there, then nobody can stop our shipping. But Sharm el-Sheikh means absolutely nothing and is of no value to anybody. Just a waste place that was. Now we're building it up. A waste place with guns, and then guns on the hill, so that no Israeli boats can go through. It's a very noble purpose. But it doesn't mean anything for anybody. Maintenant, c'est nous qui y sommes. Personne ne mettra plus obstacle à notre navigation marchande, mais Sharm el-Sheikh n'a d'intérêt pour personne d'autre. C'est un endroit désertique, c'était plutôt. Maintenant, c'est un endroit désertique, peuplé de nos canons. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbo. Avec Lou Kadar, Daniel Maillère, Saleh Domna, avec Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. Logically, they are right, of course. This thing lives with me all the time. Logiquement, ils avaient raison. Mais jamais je ne me pardonnerai d'avoir capitulé devant eux. C'est un remords qui me poursuit sans cesse. C'était les 7e et 8e volets d'une série de 10, deux moments diffusés la première fois les 20 et 21 décembre 1977.